Lisbeth, sans écouter, lisait ces deux lignes. « Chère cousine, soyez ma providence. Donnez-moi 300 francs aujourd'hui. Hector. » « Pourquoi veut-il tant d'argent ?»« Le propriétaire, » dit le père Chardin, qui tâchait toujours de dessiner des arabesques. « Et puis, mon fils est revenu de l'Algérie par l'Espagne, Bayonne, et il n'a rien pris contre son habitude, car c'est un gardin fini, sous votre respect, mon fils. Que voulez-vous ? Il a faim, mais il va vous rendre ce que nous lui prêtons, car il veut faire une commandite. Il a des idées qui peuvent le mener loin. » « En police correctionnelle, » reprit Lisbeth, « c'est l'assassin de mon oncle. Je ne l'oublierai pas. » « Lui, c'est ni un poulet, il ne le pourrait pas, respectable demoiselle. »« Tenez, voilà 300 francs, » dit Lisbeth en tirant 15 pièces d'or de sa bourse. « Allez-vous-en, et ne revenez jamais ici. » Elle accompagna le père du garde-magasin des vivres d'Oran jusqu'à la porte, où elle désigna le vieillard ivre au concierge. « Toutes les fois que cet homme-là viendra, si par hasard il vient, vous ne laisserez pas entrer, et vous lui direz que je n'y suis pas. S'il cherchait à savoir si Monsieur Hulot fils, si Madame la baronne Hulot demeure ici, vous lui répondrez que vous ne connaissez pas ces personnes-là. « C'est bien, mademoiselle. Il y va de votre place, en cas de sottise, même involontaire, » dit la vieille fille à l'oreille de la portière.